Bonjour monsieur, je voudrais ouvrir un compte s'il vous plaît. Oui monsieur, quel type de compte vous intéresse? Un compte courant bien sûr, mais je voudrais aussi voir ce que vous avez comme compte d'épargne. J'aurais aussi besoin d'une carte bancaire.